بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on finit cette série de cours concernant les chapitres liés à la médisance avec les ahadith qu'a cité Al-Hafidh Al-Nawawi rahimahullah concernant la permission de parler d'une personne en citant ce qu'elle n'aime pas. Il nous dit rahimahullah an Aisha radhiyallahu anha anna rajulan ista'dhana 'ala an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam fa qala i'dhanu lahu bi's akhul 'ashira muttafaqun 'alayhi. D'après Aisha radhiyallahu anha, qu'un homme a demandé la permission de venir voir le prophète sallallahu 'alayhi wa sallam. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laissez-le rentrer, quel mauvais frère de tribu, bi'sa akhul ashira. Tayyib. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, barakallahu fikum, la suite de ce hadith, après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait dit cela, l'homme est rentré. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألان له الحديث. Le prophète lui a parlé avec douceur, etc. Et ensuite, l'homme est parti. Alors Aïcha lui a demandé, ô messager d'Allah, comment se fait-il que lorsqu'il a demandé la permission d'entrer, tu as dit sur lui ça, ça, ça, ça, ça. Et lorsqu'il est rentré, tu as parlé avec lui en douceur, etc. Il y a une contradiction ici, apparente en tout cas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que parmi les pires des personnes, ceux que les gens vont délaisser par crainte de leur mal, il ne va pas lui parler par crainte de son mal. Voici les pires des personnes. Et donc ici, barakallahu fikoum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué cet homme. Les savants ont divergé concernant cet homme. Ils ont divergé le concernant. Certains ont dit que c'était un hypocrite, d'autres ont dit que c'était un homme qui était connu pour le mal, etc., etc. Mais dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du mal que cette personne avait par rapport à son mal. Par rapport à son mal. Et pour que ceux qui étaient présents ne soient pas leurrés par cette personne. Et par le fait que le prophète va lui parler doucement. Pour que les autres ne soient pas leurrés. Et donc ici, on voit un point important, cher frère, barakallahu fikoum, le fait que quand un savant va critiquer une personne, quand un étudiant, quand un prédicateur, quand on critique une personne, c'est pour que les autres ne soient pas leurrés par cette personne. Ça, c'est très important. Tu ne critiques pas une personne pour que toi, tu te mettes en avant. Et c'est ce qu'on verra, incha'Allah ta'ala, dans les autres textes qu'il a cités, Al-Hafidh Al-Nawawi, rahimahullah. Il nous dit, « Ihtajja bihi al-Bukhariyu fi jawazi ribati ahli al-fasadi wa ahli al-raibi. » Il dit, Al-Bukhari a cité ce hadith comme preuve pour montrer qu'il était permis de parler, donc de médire, donc ici ça va être donc de critiquer les personnes, donc les adeptes de la corruption, les personnes donc qui font du mal et qui ont donc des situations troublantes. Ensuite, il dit le Hafidh an-Nawawi rahimahullah wa anha, donc toujours d'après Aïcha, qui dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma azunnu fulanan wa fulanan ya'rifan min dinina shay'an rawahu al-Bukhari wa qala al-Layth ibn Sa'd أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين. Et donc, Aïcha qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne pense pas que un tel et un tel. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le nom des personnes. Mais Aïcha, elle, lorsqu'elle rapporte les hadiths, elle ne cite pas le nom. Et donc, je ne pense pas que un tel et un tel, ou du moins pas Aïcha, excusez-moi, le narrateur qui rapporte ce hadith de Aïcha. Le narrateur qui rapporte ce hadith de Aïcha. Parce que dans d'autres versions, le nom a été clairement cité. Dans d'autres versions, le nom a été clairement cité. Et donc, je ne pense pas qu'un tel et un tel connaissent quoi que ce soit de notre religion. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Al-Layth ibn Sa'ad, qui fait partie des narrateurs de ce hadith, a dit ces deux hommes faisaient partie des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah tabaraka wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam des noms des hypocrites. Attention, est-ce qu'il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tous les hypocrites, concernant tous les hypocrites? Non. Non. Mais il y a donc des hypocrites donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a informé cela à Hudhayfa radiyallahu anhu. Et donc c'est à partir de là que aujourd'hui, on a certains parmi les savants, certains parmi les narrateurs qui vont nous dire qu'un tel était un hypocrite. Wa an Fatimata binti Qais radiyallahu anha qalat ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qultu إن أبا جهم ومعاوية خطبني أو خطباني. Et donc, d'après Fatima bint Qais, رضي الله عنها, qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, certes, Abu Jahm et Muawiya, les deux m'ont demandé en mariage. Ici, on a deux hommes qui ont demandé une femme en mariage. Pourtant, il est interdit aux musulmans de demander la main d'une femme dont son frère lui a déjà demandé la main. Tu sais que ton frère, il a demandé la main à une femme. Il ne t'est pas permis de demander cette femme en mariage. Et donc, comme on fait ici dans ce hadith, deux hommes ont demandé en mariage. Naam. C'est une question ou c'est la réponse? Alors, d'abord, on répond à ma question et ensuite, on passe à ta question. Alors, barakallahu fiik. Le deuxième, il n'était pas au courant. Que, donc, le premier a demandé la main à cette femme. Et aussi, les savants, ils nous disent, et ça, c'est important, que le moment, quand est-ce qu'il est interdit de demander la main? C'est à partir du moment où il y a eu accord. Ça veut dire que le frère a demandé la main à une femme. Elle est d'accord. Le frère, machallah, il a vu la sœur, donc oui, il lui a demandé la main, il est d'accord, elle est d'accord, le tuteur est d'accord. Ils ont dit mariage après le hajj, inshallah. Entre-temps, personne n'a le droit de venir. C'est khalas, martouba, ce qu'on traduit en français par fiancé. D'accord? Et donc ici, dans ce cas-là, cette femme n'était pas dans ce cas. Elle a les deux qui sont venus lui demander un mariage. L'un ne savait pas que l'autre avait demandé. Et elle n'a choisi aucun des deux. Et donc elle vient demander conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a dans ça déjà le fait qu'il est bien de revenir aux gens de science pour demander conseil concernant leur mariage. Souvent, les gens, ils se marient et ensuite, ils viennent te voir et te disent « Alors, je me suis marié avec une sœur qui a ça et ça et ça comme défaut. Comment je fais ?» La question, avant le mariage, tu savais qu'elle avait ça et ça et ça comme défaut ? Oui. Débrouille-toi. Assume. Tu savais qu'elle avait ça avant le mariage. Assume. Il faut assumer. Le mariage, ce n'est pas un jeu. On ne fait pas un test, un essai. Et au bout d'une semaine, bismillah, yallah, salam alaikum, chacun fait sa vie. Tu savais qu'elle avait ça avant le mariage. Eh bien, patiente maintenant. Tu as décidé de te marier, maintenant tu patientes. Inch'Allah ta'ala. Et donc, il est important de demander conseil avant. On ne se précipite pas. Et donc ici, cette femme, elle a demandé conseil au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lequel des deux ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعلوك لا مال له وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit concernant Muawiya, alors il est pauvre, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Et donc, si tu te maries avec lui, ça va être difficile. Il est dans une situation difficile. Et là, c'est là qu'on voit l'erreur que vont avoir certains frères. Il va demander la main à la soeur, aux parents de la sœur. Ou d'accord, ou d'abord, il a rencontré la sœur, Mukabala Shar'iya, il n'y a pas de problème, etc. Et ensuite, il arrive au père. Il dit au père, oui, je voudrais la main de votre fille. Le père, il dit, c'est quoi ton travail? Le frère, il dit, Walou, j'ai pas de travail. Le père, il lui dit, non. Le père, il a dit non. Le frère, il vient, est-ce qu'on peut changer de tuteur, s'il vous plaît? Pourquoi? Parce que le père, il n'a pas voulu me donner la main de sa fille, alors que je suis musulman à la sunna, mashallah, mes cinq prières à la mosquée, hamdoulillah, aqidatu ahli sunnati wal jama'a. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulukahu fazawwiju. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui, s'il vient à vous un homme dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Et donc c'est obligatoire qu'il me donne la main de sa fille. Et donc on change de tuteur. On va dire stop. Parce que parmi les obligations du mariage, il y a le fait que tu puisses assumer ton épouse. Si le père ou la fille, ils savent que tu es pauvre, et veulent patienter par rapport à ta situation, la hum velik, cela leur est permis, oui. Mais s'ils savent que non, ça va être trop difficile pour eux, ils peuvent te dire non, même si mashallah ta talib ilm. Même si tu as du ilm, ils peuvent te dire non. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à cette femme que Muawiya est pauvre, il n'a pas d'argent. وأما أبو جهم concernant أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أبو جهم il a toujours son baston sur son épaule. لا يضع عصاه عن عاتقه. Il ne retire pas le bâton de son épaule. Ça veut dire darab. Il frappe beaucoup. Il frappe beaucoup. Et donc là, lui, c'est un homme qui frappe. Et c'est là que, est-ce que c'est une cause pour que la femme elle, ne se marie pas avec un tel, parce que le frère, il est connu pour avoir tabassé, tapé, etc., etc. Oui. Parmi les autres explications que les savants ont citées de ce hadith, ils nous disent, لا يضع عصاه عن عاتقه, son bâton est toujours sur son épaule, il ne retire jamais son bâton de son épaule, c'est-à-dire qu'il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup. Ce n'est pas il tape beaucoup, c'est il voyage beaucoup. Et donc quelqu'un qui a tout le temps son bâton sur son épaule, c'est il a ses affaires en fait. Il a ses affaires de voyage et il est tout le temps en voyage. Et donc dans cette situation-là, c'est difficile. C'est difficile parce que le mari sera souvent absent. Si la sœur, elle sait qu'elle ne pourra pas supporter cela, alors là, il lui est permis, non, là elle dit non. Si le père il sait que ça va être difficile pour sa fille de supporter l'absence de son mari, le père il dit non, même si tu es un talib ilm, même si tu as ça et ça et ça, non. Parce que je sais que ça va être trop difficile pour ma fille. Talib, si la fille elle sait que ça va être difficile pour elle, mais elle veut supporter parce que le frère c'est quelqu'un qui est bien, etc., etc., et le père il voit que ma'alish, on va aider ma fille à patienter. Oui, ils peuvent. Mais maintenant, qu'on change de tuteur sous prétexte que toi, tu es un frère qui est connu pour le bien et qu'eux, ils ne veulent pas que tu te maries pour une autre raison. Non, on ne change pas de tuteur. Alhamdulillah, on ne change pas de tuteur. Et donc, parfois, certains frères se précipitent pour essayer de changer de tuteur. Donc ici, donc il nous dit, le Hafiz al-Nawawi, le hadith, il est muttafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sauf que Al-Nawawi, après cela, il nous dit, « Wafi riwayati Muslim ». Dans la narration de Muslim, il est cité, « Wa amma Abu Jahm fadarrabun linnisa ». Et donc, concernant Abu Jahm, il frappe les femmes. Il frappe les femmes. Et donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a, c'est pour ça que les savants nous disent, il a expliqué ce qu'il voulait dire dans l'autre narration. Et donc, on voit clairement ici, les frères, que le fait de frapper les femmes est une cause de critique. Une cause de critique. Et donc, celui qui a une telle réputation se remet en cause et change son comportement. Et ensuite, ici, dans ce hadith, il n'a pas cité Al-Hafiz al-Nawawi, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé à cette femme de se marier avec Usama. Il l'a conseillé, il lui a dit Inkihi Usama. Et donc, aucun des deux. Marie-toi avec Usama. Et elle dit, donc Fatima, qu'au début, elle ne voulait pas se marier avec Usama. Elle ne voulait pas. Mais lorsqu'elle a obéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle dit que c'était le meilleur mariage. Mashallah, elle était heureuse. Allah tabaraka wa ta'ala a placé la bénédiction dans le mariage. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savait que cet homme était un bien pour elle. Et donc, il lui a présenté quelqu'un de bien pour elle. Et donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a critiqué deux hommes en citant leur nom. Et donc, quand il y a une nécessité, un besoin de citer le nom de la personne, il n'y a pas de mal. Et ça peut même être obligatoire. Ici, là, c'est un sujet de mariage. Le dîn, la religion, c'est encore pire. Parce que là, c'est une personne qui vient être une cause de déviance des musulmans. Des jeunes, ils ont entendu parler de Menhej. On leur a dit, c'est la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Ah ouais, comment elle s'appelle cette voix? Ahlus sunnati wal jama'a. Ou alors, el firqatun najiya. Ou alors, El Jama'a, ou alors, El Salafiyya, ou alors, tout ça, El Firqatul Mansoura. Tout ça, c'est le même groupe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et donc, il entend ça, le frère. Il dit, ah, mais oui, mais c'est ce que je veux. Ah ouais, ah, subhanallah. Quoi? Je vais prendre autre chose que la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons? Non, moi, je ne veux pas autre chose. Allah Azza wa Jalla, il a dit que c'est eux qui vont au paradis et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Mais bien sûr que je veux! Et c'est là qu'il y a des personnes qui arrivent qui disent, nous, on est salafi. Mais il suit autre chose. Mais il se dit salafi. Et donc, ce jeune qui veut connaître la vérité, il a une bonne intention, il veut connaître. Mais il n'arrive pas à distinguer le bon du mauvais. Parce qu'il est encore jeune, il ne connaît pas encore bien. Et donc, il est obligatoire à ceux qui connaissent de mettre en évidence les erreurs de ceux qui, injustement, se font appeler salafis. Obligatoire. Afin que nos jeunes sachent. Afin qu'on mette la lumière dans ce bâtiment et que nos jeunes ne soient pas dans l'obscurité. Ils ne savent pas où ils avancent. Ils ne savent pas qui est à côté d'eux. On met la lumière, khalas, tout le monde sait qui est à côté de lui. Et donc ça, c'est une obligation. Pour le mariage, on va te dire, c'est obligé de parler de la personne, de mettre son erreur. Yari, tu m'as laissé marier ma sœur avec un tel, alors que tu savais qu'un tel, c'est quelqu'un qui frappe. À cause de toi, maintenant, ma sœur, elle est à l'hôpital. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi est-ce qu'avant le mariage, tu ne m'as pas dit ? Parce que je ne voulais pas faire de la médisance. De quelle médisance tu me parles ? À cause de toi maintenant, ma soeur ! Elle est entre la vie et la mort. Taïb, pour ta soeur, tu as une telle rage. Et pour la religion d'Allah ? Pour la religion d'Allah ? Ah non, non, on ne parle pas sur les savants, c'est de la médisance. Non, non, non, non, non, non. Et donc, barakallahu fikoum, les frères, il ne faut pas qu'on soit contradictoire dans notre religion. Il n'y a pas de contradiction en islam. Alhamdulillah, il faut juste bien comprendre. Être dans le juste milieu. Ne sois pas dans l'exagération, ceux qui vont partir mettre en garde contre tout le monde sans preuve. Il met en garde contre tout le monde. Ou celui qui va être négligent, il met en garde contre personne. Sois dans le juste milieu. Et donc ensuite il dit le Hafiz an-Nawawi rahimahullah wa an Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu qui dit nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fi safarin asaba an-nasa fihi shiddah. Et donc dans un voyage qui était difficile pour les gens. C'était un voyage qui était douloureux, difficile pour les gens. Faqala Abdullah ibn Ubay li ashabihi la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Et donc c'était un voyage qui était difficile. Qu'est-ce qui se passe dans le voyage? Ceux qui ont vont donner à ceux qui n'ont pas. On s'entraide. Et donc, Abdullah ibn Ubay, c'est qui Abdullah ibn Ubay? Ra'sul Munafiqin, le leader des hypocrites. Il a fait de la médisance ou pas? Est-ce qu'il a fait de la médisance? Alors, les frères? Non, permis. Abdullah ibn Ubay, Ra'sul Munafiqin, le leader des hypocrites. Et donc, Abdullah ibn Ubay, il a dit à ses compagnons, donc ceux qui sont avec lui parmi les hypocrites, ne dépensez pas pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il y en faddu, jusqu'à ce que ceux-ci s'affaiblissent, soient faibles. Laissez-les dans la difficulté. Wa qala la irraja'na ila al-madinati li yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall. Et il a dit Abdullah ibn Ubay, lorsque on rentrera à Médine, donc de notre voyage, les plus forts d'entre nous vont chasser les plus faibles. On va chasser les musulmans. Là, ce sont les hypocrites qui parlent. Et donc ici, Zayd ibn Arqam, lorsqu'il a entendu cela, il dit فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. Je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai informé de ça. Médisance ou pas? Non. Mais ici, pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit prévenu de la ruse de ces gens-là qui veulent faire du mal aux musulmans. Ils ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oui, mais ils veulent faire du mal aux musulmans. Ils veulent faire du mal aux musulmans. On est obligé de protéger les musulmans. Et donc, même s'il dit là, il a là mille fois, on va protéger les musulmans. Et donc, il en a informé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des gens pour donc faire venir Abdullah ibn Ubay. Pour l'interroger concernant ce sujet, est-ce que tu as dit ce qui m'a été rapporté de toi? De ne pas défendre, de ne pas dépenser pour les croyants, de ne pas dépenser pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah. Et lorsqu'on va arriver à Médine, le plus fort d'entre nous chassera le plus faible. Et donc Abdullah ibn Ubay, il a juré. Il a juré, mais fa'al. Il a juré qu'il n'a pas fait ça. Il a juré qu'il n'a pas dit ça. Juré par Allah tabaraka wa ta'ala. فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors là, les gens, ils ont dit, Zaydoun, il a menti au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a menti au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque les gens ne connaissaient pas encore Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ces gens-là ne connaissaient pas encore le mal. Et donc, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le mal d'un individu qui se fait passer pour un musulman. De la même manière qu'il y a des gens qui ne connaissent pas un individu qui se fait passer pour un salafi. Et donc il faut mettre en évidence, il faut montrer aux gens, attention, oui, j'ai pas dit que, oui, c'est un musulman. Mais attention, il y a ça, ça, ça, ça, ça. Et c'est pour ça que moi, le conseil que je donne à mes frères, avec toutes les divergences qu'il y a à notre époque, toutes les divergences qu'il y a à notre époque, toute la division, toutes les mises en garde, tu n'arrives pas à savoir où mettre les yeux. Ah, lui, il est critiqué, lui. Tous, ben tous, ils sont critiqués, tous. Tous. Moi, je ne connais pas une personne qui n'est pas critiquée. Tous, ils ont été critiqués. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été critiqué. Le livre le plus authentique, Sahih al-Bukhari, après le livre d'Allah, al-Bukhari a été critiqué. Tayyib, comment on fait? Le conseil que je vous donne, les frères, si vous voulez être tout le temps dans la lumière, ne pas être dans l'obscurité avec toutes ces critiques, etc., vous devez connaître quelle est la voie des pieux prédécesseurs. Tout simplement, c'est simple. Il faut que tu lises, il faut que tu apprennes, assiste aux cours. Tu étudies la aqida de Ahl Sunna wal Jama'a, ou sous la Sunna de l'imam Ahmed. Tu étudies aussi, par exemple, encore un autre livre, Muqaddimat ibn Abi Zayd al-Qayrawani, al-Maliki. Tu étudies aqida de Shafi'i, Aqidat al-Bukhari. Tu étudies donc les passages de Sahih al-Bukhari, Muslim, qui concernent la aqida, la croyance. Les écrits d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Rahimahullah, Sharh al-Sunna lil-Barbahari, Al-Ibana l'Ibn Batta. Tu étudies les livres des anciens là-haut. Lorsque tu auras étudié leurs livres à eux, et que tu auras compris quelle est la voie des pieux prédécesseurs, là, tous ceux qui sont à ton époque, les gens ne pourront pas te tromper. Ils ne pourront pas te tromper. Même s'il vient mille fois et te dit « Je suis salafi », il ne pourra pas te tromper. Parce que khalas, tu as pris les bonnes bases. Tu as pris les bonnes bases. Et donc moi, le conseil que je donne à mes frères, prenez les bonnes bases. Étudiez les écrits des anciens savants. C'est trop important. Dans ces écrits, il y a les bases que tu dois suivre si tu veux connaître la voie des compagnons. Afin de ne pas être leurré par tous les gens de ton époque. Et donc, une fois que tu connaîtras la vérité, tu sauras qui est sur la vérité. Une fois que tu connaîtras la vérité, tu sauras qui est sur la vérité. Donc, le conseil que je donne à mes frères, et donc, on arrête de perdre du temps. Parce qu'il y a beaucoup de livres à étudier, en fait. Donc, on arrête de perdre du temps. Et on assiste aux cours, on apprend notre religion. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tayyib, on continue ce hadith. Alors il dit, Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, lorsque les gens ils ont dit que Zayd a menti sur le prophète, il a menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Zayd, fa waqa'a fi nafsi mimma qaluhu shidda. Et donc, il m'était dur de supporter ce qu'ils ont dit. Wallah les frères, c'est pas facile. Lorsque tu es là, tu viens, tu veux défendre la vérité, et que tu vois qu'ensuite tes frères il t'insulte. Il t'insulte, manque de respect parce que tu défends la vérité. C'est pas facile. Mais il faut rester fort et ferme. Défendre la vérité, même si les gens critiquent. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir dans les séminaires ou autres, que ce soit ici ou à Villeroy. Ils viennent me voir, ils me disent, voilà, Abdelkarim, franchement, il y a un truc. Je voudrais te dire quelque chose. Je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le Abdelkarim que j'ai vu là, là, c'est pas le même qu'ils ont montré sur YouTube et tout. J'ai dit, ah, c'est sûr, hein. C'est sûr que sur YouTube, ils se sont fait plaisir, machallah. Ils se sont fait plaisir. Ah, mais franchement, il y a une grande différence. J'ai dit, alhamdoulilah, qu'Allah facilite. Qu'Allah facilite. Et donc, c'est normal. Les gens, ils te critiquent. Est-ce que ça veut dire que tu arrêtes ton combat pour montrer aux gens la vérité? Non, tu continues. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été critiqué bien avant. Les imams de l'islam ont été critiqués. Tu continues. L'essentiel est que tu enseignes la vérité. Que tu ne fasses injustice à personne. Même ceux qui s'opposent à toi, ne leur fais pas injustice. Et que si tu parles sur quelqu'un, tu dois parler avec preuve. Et donc ensuite, dans ce hadith, c'était difficile pour Zayd ibn Arqam. C'est pas facile que les gens parlent sur toi. Hatta anzala Allah ta'ala tasdiqi, jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala ait fait descendre, donc, ce qui a confirmé que j'étais sur la vérité. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole concernant les hypocrites, idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Lorsque les hypocrites viennent te voir, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Allah sait que tu es son messager. Mais Allah sait que les hypocrites sont des menteurs. C'est eux qui mentent. C'est pas Zayd ibn Arqam. Et donc là, les gens, ils ont su la vérité. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلوى رؤوسهم. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم il a appelé les hypocrites afin qu'ils viennent, afin que le prophète implore le pardon pour eux. Subhanallah, voilà de la rahma des gens de la sunna. Après ce qu'ils ont fait, ils ont voulu ruser face au prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons. Malgré ça, le prophète, il les appelle pourquoi? Pour implorer le pardon pour eux. Mais ils se sont détournés. Hein? Parce que Ahlu Sunnati wal Jama'a, ils veulent le bien des gens. Les gens, ils nous ont critiqués. Ils ont parlé, ils ont rusé, ils ont fait des vidéos, ils ont fait ci, fait ça. Wallahi, les frères, nous, on veut votre bien. On espère que tu vas te repentir. Hein? C'est pas comme certains, le adribannahum darbatan lan yakumu minha abatan. Certains qui disent, je vais leur mettre un coup, ils ne vont jamais se relever. Jamais se relever. Aouzou billah. Comment ça? C'est comme ça que c'est ce que tu veux des gens? Non, nous on veut que les gens ils se relèvent. On veut que les gens ils reviennent sur la vérité. Le prophète Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Moussa vers Pharaon pour que Pharaon il revienne sur la vérité après tout le mal qu'il a fait. Et donc pareillement pour les musulmans, on veut que les gens reviennent sur la vérité. Ça c'est la voix des gens de la sunna. Et donc ici dans ce hadith barakallahu fikoum, Zayd ibn Arqam, il a parlé de Abdullah ibn Ubay en citant son nom. Afin que les musulmans soient préservés de la ruse de cet homme, malgré le fait que certains ne connaissaient pas le danger qu'il y avait chez cet homme. Voilà pourquoi ils ont dit que Zayd ibn Arqam a menti au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'Allah montre la vérité. Le dernier hadith, an Aisha radiallahu anha, qalat Hind, imra'atu Abi Sufyan, lin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. Et donc, d'après Aïcha, radiallahu anha, toujours, qui dit que Hind, la femme de Abu Sufyan, elle est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, certes, Abu Sufyan est un homme avare. Elle a parlé sur lui. Elle l'a même critiqué. Il est avare. Il ne me donne pas ce qui me suffit pour moi et mes enfants. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas pauvre. Parce que le fait qu'elle dise « il ne me donne pas ce qui me suffit pour moi et mes enfants », on peut comprendre qu'il est pauvre. Et s'il est pauvre ici, il n'est pas blâmable. Ce n'est pas de sa faute. Si elle a le droit de partir, oui, si elle ne patiente pas sur la pauvreté, elle a le droit de partir. Mais maintenant, il n'est pas blâmable. Mais là, dans ce cas-là, elle a précisé qu'il est avare. Ça veut dire qu'il a les moyens. Il a l'argent, mais il ne veut pas dépenser pour elle. Il ne veut pas dépenser pour elle et ses enfants. Sauf ce que je prends sans qu'il le sache. Elle le prend, elle se sert dans l'argent donc d'Abu Soufiane sans qu'il le sache. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, prends ce qui te suffit à toi et à ton enfant de manière convenable. N'exagère pas. Et donc oui, tu peux te servir parce que là, tu es dans un cas de nécessité parce qu'il ne te donne pas ce qui te suffit pour toi et tes enfants. Alors là, oui, tu peux te servir donc sans exagérer. Et ici, voilà pourquoi je conseille à tous mes frères qui ont les moyens et qui vont avoir des négligences dans cela. Logement, nourriture, vêtements, obligations religieuses. Il ne paye pas les cours pour sa femme, etc., etc. Alors qu'il a les moyens. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'on sera tous jugés devant Allah Azza wa Jalla. On sera tous jugés. Tous jugés. Tu ne veux pas, surtout que cette femme, c'est pas une personne à qui tu as pris 1 euro ou 2 euros. Frère, les sommes, elles montent très vite. Un mois qui passe, un deuxième, un troisième, au bout de 10 ans de mariage. Regarde combien d'argent tu dois à cette femme. Regarde combien d'argent tu lui dois au bout de 10 ans de mariage. Ça fait très lourd dans la balance. Ça fait très très lourd dans la balance. Alors craignez Allah tabaraka wa ta'ala et soyez juste envers vos épouses et vos enfants. Et donc encore une fois, dans ce hadith, on a ici cette femme qui a cité le nom de son mari. Et donc à partir de là, barakallahu fikoum, concernant le sujet des mises en garde par rapport à la religion, c'est pire que ce qui a été cité. Parce que là, c'est un sujet mondain. C'est pas un sujet qui cause que des gens vont au paradis ou en enfer. La personne qui subit cette injustice, elle patiente auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle retrouve cet argent que son mari ne lui a pas donné. Au niveau de la religion, c'est grave, la personne qui se fait leurrer par un individu qui l'appelle à un égarement, il l'appelle au feu. Et donc, on va parler concernant des dinars, des dirhams, mais on ne va pas parler concernant la religion. C'est contradictoire. C'est pour cela que les savants sont unanimes quant à l'obligation de mettre en garde contre toute personne qui est un danger pour la religion musulmane, pour la communauté musulmane. Il y a unanimité sur ce sujet. Et pour finir, inshallah ta'ala, je vais vous lire un conseil qu'on trouve dans le livre Al-Bida' de Ibn Waddah. On le trouve aussi dans un des écrits de Cheikh l'Islam, Mohammed Ibn Abdel Wahhab. J'ai oublié le nom de son écrit. C'est l'histoire d'une lettre très profitable, mashallah, une très belle lettre. Une lettre entre deux savants. Et donc Ibn Waddah, il nous cite dans son livre Al-Bida' wa an-nahyu anha, une histoire, donc une lettre écrite par Esed ibn Moussa, un des savants de la communauté musulmane. Il écrit une lettre à Esed ibn Furat. Et donc Esed ibn Moussa qui écrit une lettre à Esed ibn Furat. Esed ibn Furat qui fait partie des imams de la communauté musulmane, qui a aussi prêché, qui a aussi enseigné dans l'Andalus. Il est aussi parti en Afrique. C'est un homme qui s'est battu pour la propagation de l'islam. Et donc, vu qu'il s'est battu, qu'il est parti dans des contrées lointaines pour la propagation de l'islam et de la vérité, alors Esed ibn Moussa a voulu le réconforter par rapport à cette lourde tâche qu'il fait. Il dit « I'alem ay akhi, annama hamalani ala al-kitab ilayka ma dhakara ahlu biladika min salahi ma a'taka Allahu min insafika an-nas wa husni halika mimma adharta min as-sunnah. » Sache, ô mon frère, que la raison qui m'a poussé à t'écrire, la raison qui m'a poussé à t'envoyer cet écrit, est ce que les gens de ton pays ont cité te concernant la bonne situation dans laquelle tu es, de ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé quant au fait que tu sois juste et sincère avec les gens, et la bonne situation que tu as dans le fait de mettre en évidence la sunna. Ce qui m'a poussé à t'écrire, c'est que tu mets en évidence la sunna. Tu ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu ne donnes pas aux gens ce qu'ils veulent, mais tu mets en évidence la sunna. Wa aibika li ahli al-bid'ah wa kathrati dhikrika lahum wa ta'anika 'alayhim فمنعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم وأذلهم الله بذلك فصاروا ببدعهم مستترين فأبشر يا أبشر أي أخي بثواب ذلك سبحان الله. Il lui dit donc, le fait que tu mettes en évidence la sunna et que tu critiques les gens de la bid'a, et le fait que tu parles beaucoup d'eux, le fait de beaucoup parler, de beaucoup critiquer les gens de la bid'a, c'est un défaut, c'est une qualité? C'est une qualité. C'est une qualité. Aujourd'hui, ils nous disent trop de mise en garde, trop. Regarde dans les livres des salafs. Tu te dis salafi, tu dis que tu es salafi. On est d'accord? Taïb, regarde dans les livres des salafs. Je te défie, regarde dans les livres des salafs. El Bida' al-Ibn Waddah. Regarde, va regarder plus haut. Regarde les écrits Al-Zahabi concernant ceux qui parlaient beaucoup sur Ahl al-Bida'. Est-ce que Al-Imam al-Zahabi, il disait, il parlait beaucoup sur Ahl al-Bida'. Ta'an. Ou alors il disait, Jazahullahu khairan, il a défendu la sunna, mettait en garde contre les innovateurs, mettait beaucoup en garde. C'est une cause d'éloge, pas de critique. Et on le voit clairement dans cette lettre de Esed ibn Moussa. Il dit, le fait que tu as beaucoup critiqué les gens de l'innovation, le fait donc, le fait que tu les as beaucoup critiqués, Allah tabaraka wa ta'ala, par ta cause, il les a anéantis. Par ta cause. Les frères, Cheikh Rabi', qui a écrit des livres et des livres et des livres sur les Ikhwan, c'est par la cause de cet homme-là qu'aujourd'hui, des États musulmans connaissent le danger des Ikhwan. Par la cause de cet homme-là. C'est pour ça que les Ikhwan, ils le détestent. Ils le détestent. C'est pour ça qu'ils nous parlent de Medakhila dans tous les sens. Parce qu'il les a dévoilés. Est-ce que c'est une cause d'éloge pour Cheikh Rabi'? Oui. Il a défendu la sunna et mis en évidence les erreurs de ces gens-là et le fait qu'ils trompaient les musulmans. Et donc ici, il continue Esed ibn Moussa, rahimahullah. Et par ta cause, Allah tabaraka wa ta'ala, il les a anéantis. Et par ta cause, Allah tabaraka wa ta'ala a renforcé les gens de la Sunna. Et il t'a renforcé toi par le fait de mettre en évidence les critiques que tu avais sur ces gens-là. Alors Allah les a rabaissés. Il a rabaissé les innovateurs par ta cause. Et donc, après cela, ils sont devenus donc cachés avec leurs innovations. C'est-à-dire que les gens de la Sunna se sont propagés. Et donc nous, c'est ce qu'on veut. On veut que la Sunna, elle se propage. Et que la bid'a, elle diminue. À tel point que les innovateurs, ils se retrouvent cachés avec leurs innovations. Pas comme on a où la Sunna, elle est cachée, on ne la voit pas. Elle est où la Sunna? Tu vas à Bruxelles, elle est où? C'est où la Sunna? Mais des bid'a, mashallah, les bid'a, on les voit dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas assez en évidence les erreurs des gens de l'innovation. Il continue sa lettre. Et il nous dit, du moins il dit à Esad ibn Furat, il lui dit, فَأَبْشِرْ أَيْ أَخِي بِثَوَابِ ذَلِكَ. Alors, je t'annonce la bonne nouvelle, ô mon frère, de la récompense de cela, de la récompense de ce que tu as fait. Tu les as beaucoup critiqués. وَعْتَدَّ بِهِ أَفْضَلَ حَسَنَاتِكَ مِنَ الصَّلَاتِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ. Subhanallah. Il nous dit, et compte cela, ce que tu as fait, quand tu as mis en garde contre les innovateurs, quand tu as mis en évidence la sunna, compte cela parmi tes meilleurs hasanats. Min afdali hasanatik. Meilleur que la salat, meilleur que le jeûne, meilleur que le hajj, meilleur que le jihad. Il explique pourquoi. Il nous dit, وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ الْأَعْمَالُ مِنْ إِقَامَتِكَ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِحْيَاءِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Que représentent ces œuvres? Là, on parle de quelle œuvre? Les frères, on est en train de parler des piliers de l'islam. Et là, on est en train de parler des piliers. La salat, la zakat, le jeûne, le hajj. Que représentent ces œuvres à côté du fait que tu mettes en évidence le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Là sont tes meilleures hasanats. Le fait que tu fasses la prière, ça c'est pour toi. Le fait que tu jeûnes, ça c'est pour toi. Le fait que tu fasses le hajj, ça c'est pour toi. Le fait que tu mettes en évidence la sunna, que tu mettes en évidence les erreurs de Ahlul Bidah, ça c'est pour toute la communauté musulmane. C'est pour ça, cher Rabbi, hafidahullah, lorsque je suis allé le voir pour lui demander concernant la situation de la Martinique, la situation de ma famille, est-ce que je dois retourner là-bas? Est-ce que je dois prêcher là-bas? Il me dit oui. J'ai dit, mes chers, j'ai fait la hijra il y a 10 ans, moi. Moi, je suis muhajir. Je ne veux pas rester dans ces pays là-bas, là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, al-hijra tahoussuka anta wa ahlak. La hijra, elle te concerne de manière spécifique, toi et ta famille. C'est pour toi et ta famille. Al-da'wa lil-baladi kullihi. La da'wa, elle va concerner tout le pays. Alors tu vas retourner là-bas. Et tu vas faire la da'wa. J'ai dit, mes chers, tayyib, mes enfants, comment je fais pour les éduquer? Il m'a dit, une fois que tu es là-bas, si tu vois que tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, alors tu reviens. Mais ne me dis pas que tu ne pars pas avant d'avoir essayé. D'abord, tu y vas. Ensuite, si tu vois que c'est difficile, tu reviens dans les pays musulmans. Et donc ici, tous ces actes d'adoration qu'on fait, etc., nous concernent nous. Mais le fait d'appeler les gens à la vérité et de mettre en garde contre le faux, ça concerne toute une communauté. Voilà pourquoi c'est grandiose ce qu'il a fait cet homme. Esad ibn Furat, Ce qu'il a fait est grandiose. Il a montré la vérité. Il a défendu la sunna. Il ne s'est pas tué face à Ahl al-Bid'ah. Il ne s'est pas tué. Il n'a pas dit non, je ne rentre pas dedans. Il ne s'est pas tué. On continue la lettre. Il nous dit, ou du moins, il ne nous dit pas à nous, mais il dit à Esad ibn Furat. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. Celui, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui remet en évidence ma sunna, qui ravifie ma sunna, alors moi et lui nous sommes au paradis comme ces deux-là. وضم بين أصابعه. وقال et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayyum da'in da'a ila hadha fattaba'a alayhi fattubi'a alayhi kana lahu mithlu ajri man tabi'ahu ila yawm al-qiyamah. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle à cela, qui appelle à la vérité et qui est suivi dans cela, alors il a la récompense de tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. Plus grande récompense que la salat qui te concerne. Là, c'est tous ceux qui t'ont suivi. Tous ceux qui t'ont suivi. Il continue. Jusqu'au jour de la résurrection. فَمَنْ يُدْرِكُ أَجْرَ هَذَا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِي. Il dit alors, qui peut atteindre cela comme récompense? Quelle œuvre peut atteindre telle récompense? Et donc, Abshir, je t'annonce la bonne nouvelle pour ce que tu as fait là-bas quand tu as appelé les gens à la vérité, à la sunna. وَذُكِرَ أَيْضًا أَنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ كِيدَ بِهَا الْإِسْلَامُ وَلِيًّا لِلَّهِ يَذُبُّ عَنْهَا. Et certes, il a été cité que Allah tabaraka wa ta'ala a un allié pour chaque innovation qui a été mise en place pour ruser face à l'islam et que donc, cet allié d'Allah va défendre la religion. Et il va parler, et il va montrer les signes de cette innovation. Alors mon frère, saisis cette occasion. Saisis, continue ce combat que tu fais. Et sois parmi les gens de cela, sois parmi les adeptes de cet acte d'adoration, ceux qui défendent la vérité. Il ne lui a pas dit tais-toi, khalas, ça y est, c'est bon, tu as la réputation que tu parles beaucoup. Il lui a dit continue, kun, vite, continue, on est avec toi, on invoque en ta faveur, on est avec toi, on espère que tu sois récompensé. Et il continue encore dans cette lettre pour motiver son frère, parce que c'est difficile, c'est un combat qui est lourd et difficile. Ce combat, il fait que tu te fais beaucoup critiquer. Alors il le motive, il continue à le motiver. Subhanallah. Voilà, des frères, cette lettre, elle est magnifique. وَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَوْصَاهُ وَقَالَ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كَذَا وَكَذَا. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide par ta cause, un homme est meilleur pour toi que ça ou ça. Ce qui est connu du hadith, les chamelles rousses, les éléments qui avaient le plus de valeur pour les Arabes à cette époque. C'est mieux pour toi que les biens de ce bas monde. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide par ta cause, ne serait-ce qu'un seul homme. Alors continue mon frère. Ensuite, il lui dit, Fertanim Delik, alors saisis cette occasion. Wad'u ila sunnati hatta yakuna laka fi dhalika alfatun wa jama'atun yakumuna maqamaka idha hadatha bika hadath. Continue à appeler les gens à la sunna jusqu'à ce qu'il y ait donc un groupe des gens qui te remplaceront lorsqu'il t'arrivera quelque chose. Lorsque tu vas mourir, ou que tu ne pourras plus continuer à faire ce combat que tu fais, qu'il y ait des gens qui continuent à faire le travail, et que tu continues à être récompensé, même malgré le fait que tu ne peux plus faire la da'wah. Tu ne peux plus faire la da'wah. Mais le fait que tu aies mis en place des gens qui ont la capacité de continuer le travail à ta place, tu es récompensé. Continue, mon frère, continue. C'est ce qu'on veut pour la sunna. Il continue à motiver son frère. Fayakounouna et immatan bardek. Ces gens-là seront des imams après toi. Toi, tu es un imam et tes élèves seront des imams. Fayakounou leka thawabu zelika ila yaumil qiyama kemeje fil athar. Et donc, et tu auras la récompense de cela jusqu'au jour de la résurrection, comme cela a été cité dans les textes. Fermel ala basiratin wa niyatin hasanatin. Et donc, œuvre avec clairvoyance et avec une bonne intention. Œuvre avec clairvoyance et bonne intention. Fayaruddallahu bikal mubtadi'a al-maftuna az-za'ira al-ha'ira. Alors par ta cause, Allah Azza wa Jal va repousser l'innovateur, le meftoun, l'égaré et celui qui est perdu. Allah Azza wa Jal va les repousser. Fatakuna khalafan min nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tu seras un suiveur de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, il lui dit: fa innaka lan talqa Allah bi'amalin yushbihuhu. Tu ne vas pas rencontrer Allah avec une œuvre qui soit semblable à cela. Continue. Subhanallah. Et donc, ô chers frères, le fait de mettre les gens en garde contre le mal, c'est une œuvre qui est grandiose. Mais il faut bien le faire. Le faire avec sagesse. Le faire avec preuve. Tu ne parles pas sur les gens comme ça. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est un chemin qui est glissant. Un chemin qui est glissant. Tu peux te mettre à parler sur des gens. Au début, tu es bien, oui, c'est pour défendre la sunna. Et après, rah! Parce que tu te permets de parler sur quelqu'un, justement. Et donc, oui, on défend la sunna. Mais en restant sur la sunna. Oui, on défend la sunna. Mais en restant sur la sunna. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran wa fikum barakallahu.